Activité 13. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Blin. Pardon pour le retard. Bonjour, Nelly. Vous êtes vraiment très en retard en cours. Vous avez vu l'heure? Il est près de 10 heures. Oui, je suis vraiment désolée, mais j'ai eu un problème de train. Comment ça, un problème de train? Tout le monde est arrivé à l'heure ce matin, sauf vous. Je suis partie ce matin, à 7 heures du matin. Le train a eu un problème technique et j'ai mis 2h30 pour arriver ici. Vous avez demandé une lettre de retard à la gare quand vous êtes arrivée? Ah non, je n'y ai pas pensé. J'ai couru pour venir en cours. Bon, ça va pour cette fois. Asseyez-vous. Mais attention pour la prochaine fois. Et pensez à demander un mot à la gare si vous avez des soucis de transport.